Il y a des papillons dans mes intestins qui jouent avec les vaisseaux sanguins. Ils font de très, très beaux dessins en forme de jambes, en forme de mains. Demain matin, le journal va me raconter nouvelle maladie est apparue. Y'a pas de remède pour la soigner, mais elle est moins pire que le scorpion. C'est l'ange, scorpion. Tous les matins en me levant, je pense à rien, en espérant que la journée se passe. Que je respire autant que je peux encore, qu'il ne m'arrive pas trop de tort. Il y a plus de papillons dans les forêts, je me demande si avant les arbres s'enfuient comme des bandits et on s'éloigne du paradis. Dimanche matin, le journal va me dire que les Canadiens ont encore gagné. Y'a pas de raison pour être heureux de vivre tant qu'il y aura du hockey. Ça relève bientôt. Tous les matins en me levant, je pense à rien, en espérant que la journée se passe. Que je respire autant que je peux encore, qu'il ne m'arrive pas trop.